Bienvenue au 20e épisode du podcast des mots. Ce podcast est recommandé uniquement à ceux qui ont le cerveau d'enfant. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais vous parler aujourd'hui de Joker. Ce film, comme on sait déjà, raconte comment le Joker est devenu le Joker à notre époque. Avec, depuis longtemps, beaucoup trop de films de super-héros, je m'attendais à une bouse sans nom dès que j'ai entendu parler du projet. Mais après en avoir entendu parler en bien, depuis sa sortie, je suis allé le voir par curiosité. Ce fut rafraîchissant. Ce film se passant dans les années 70, en pleine crise économique, est tout sauf un film de DCU ou MCU et autres super merdes. On y suit l'évolution de la psyché de son protagoniste en le comprenant dans une certaine mesure, mais sans l'appuyer. Et certainement pas en le montrant comme un exemple à suivre, comme le pensent les imbéciles qui essaient de bannir le film. Il n'est pas un divertissement joyeux, plutôt le genre de film qui pousse à réfléchir. Il contient d'ailleurs pas mal de scènes d'un genre que je n'aime pas beaucoup en général, des moments gênants, humiliants. C'est surtout une étude de personnage, mais cela ne l'empêche pas de faire de la critique sociale. On y parle entre autres un peu de bullying, de maladie mentale, de pauvreté, du peu de ressources dans le domaine de l'entraide et ce genre de choses. Bien que ce ne soit aucunement un sujet sur lequel le film se penche, il me donne l'impression d'évoquer la facilité déconcertante de se procurer une arme à feu aux États-Unis. Le style du film est intéressant. Il semble s'inspirer de films des années 70, entre autres Taxi Driver, mais sans juste les imiter. Le film fait son propre délire qui est assez réussi. L'acteur principal est aussi excellent. C'est un film qui est vraiment très bien. Est-ce que je lui donnerais un 5 sur 5, un 4 sur 5? Le film est intéressant, mais il ne faut pas exagérer. Je lui donnerai donc un 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête et un film chaudement recommandé. À la prochaine.